Chapitre 28, page 197, exercice 5. 1. On gagne de moins en moins. Les fins de mois sont de plus en plus dures. 2. Les experts pensent que la croissance se situera autour de 0,9%. 3. Nous avons dû emprunter pour acheter notre maison et maintenant, il va falloir rembourser ce crédit. 4. Le gouvernement a annoncé des mesures drastiques pour réduire des dépenses publiques. 5. Le prix du pétrole a encore augmenté, ce qui aura un impact sur nos prix.